ses traumas. Parler de sa famille, ça lui fait trop mal. Elle encaisse les coups, tu passes la pommade. Elle porte du Van Griffel à la